Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui le facteur temps, deuxième épisode, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par François Luciani, réalisée par Sophie Haute-Picon. Panama Papers, LuxLeaks, CumEx et CumCum, paradis fiscal, autant de mots, d'expressions originales, parfois fleuries, mais qui veulent dire à peu près la même chose. Elles couvrent la même réalité et concernent les grandes entreprises, les conseils d'administration et leurs dividendes, ou encore, oui, les PME et PMI. Des mécanismes de fraude fiscale à grande échelle, de détournement d'impôts, d'optimisation fiscale, légale mais immorale, ou parfois les deux, immorale et illégale. La fiction d'aujourd'hui, intitulée « Le facteur temps », nous raconte l'histoire de personnes, victimes ou responsables de détournement fiscal. Cette fiction, en deux épisodes, ne couvre pas évidemment toutes les possibilités de tricherie, mensonges et montages savants qui rôdent sur la planète finance et la planète impôt, mais elle permet de mesurer les graves conséquences du procédé sur le budget national et l'incapacité d'un État à assurer son rôle de protection sociale, faute de moyens. L'évasion fiscale ou l'évitement fiscal, légal ou illégal, utilise les failles du système fiscal lui-même en déplaçant tout ou partie d'un patrimoine ou d'une activité vers un autre pays, souvent un paradis fiscal, sans que le citoyen concerné ne s'expatrie lui-même. Voilà pour une partie de la définition. Quant aux conséquences évoquées à l'instant, elles s'expriment par ces chiffres, notamment 1 000 milliards d'euros par an de manque à gagner pour l'ensemble des États de l'Union européenne, ce qui correspond à 3% du PIB pour la France, quand on sait que les critères dits de convergence de l'Union européenne se situent sous la barre des 3,5% du PIB, voyez à côté de quoi l'on passe. 15%, c'est le taux moyen d'imposition effectif d'une société du CAC 40, soit environ 20 points de moins que le taux d'imposition légal en France. Enfin, et selon un rapport dévoilé par l'hebdomadaire Marianne, la fraude fiscale a augmenté de 20 milliards d'euros par rapport à 2013. Notre invitée aujourd'hui, Monique Pinson-Charlot, sociologue, ancienne directrice de recherche au CNRS et auteure avec Michel Pinson de leur dernier livre donc, « Le président des ultra-riches » aux éditions La Découverte. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Le facteur temps, de François Luciani. Deuxième partie, jeu de massacre, 2018-2019. Ingrid Fischer. Une jeune femme originaire de la ville de Bonn, en Allemagne. Une junior, comme on dit maintenant. Elle avait entrepris de remonter le temps, de reconstituer pièce par pièce le puzzle du casse du siècle. Il lui fallait du temps à Ingrid, beaucoup de temps. Des centaines de registres à examiner, des milliers de mails, des comptes, des factures, dans toutes les langues, de toutes sortes, qui venaient des quatre coins de l'Europe. Un océan de papier. Le facteur temps, encore une fois. Le hasard a voulu que mon dossier, à cause d'une légère erreur de calcul, se trouve en haut de la pile. Allô ? Monsieur Puget ? Martin Puget ? Oui. Je me présente, Ingrid Fischer, inspectrice de l'administration fiscale à Bonn. Oui. Pourriez-vous m'accorder un instant, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Il apparaît dans vos comptes que vous avez vendu par l'intermédiaire de votre banque une action de la société Air Liquide à 107,30 euros le 10 mai 2018 à 11h51 à un certain monsieur Tarak Sondara de la société Soho Capital à Dubaï. C'est bien ça ? Franchement, madame, vous me posez une colle. Demandez à ma banque, c'est elle qui s'occupe de tout ça, moi j'en sais rien. Rien du tout, vraiment, je suis bien incapable de vous dire si... Il se trouve que vous avez racheté cette même action Air Liquide, toujours par l'intermédiaire de votre banque, à ce même Tarak Sondara, moins d'une minute après la lui avoir vendue. Vous confirmez ? Je vous avoue, madame, avec la meilleure volonté du monde, j'en sais rien. Pourquoi 107,30 € au lieu de 107,10 €? Où sont passés les 20 centimes d'euros? Mais j'en sais rien. Demandez à ma banque, encore une fois, demandez Capucine Murat. C'est ma conseillère, elle est très compétente, elle pourra certainement vous expliquer. J'ai déjà essayé, monsieur. Et alors? Rien. Silence radio. Elle est peut-être en congé? Essayez dans 2 semaines. J'aimerais connaître les conditions dans lesquelles votre banque a accompagné vos placements, monsieur Puget. Pourriez-vous m'accorder un entretien? Mais pourquoi moi? Je suis pas le seul client de la banque, non? Non, vous n'êtes pas le seul dans ce cas, monsieur Puget. Comprenez que je ne m'occupe pas que de vous, bien sûr. Vous croyez au hasard, monsieur Puget? Non, pas vraiment. Vous avez tort. Le hasard, parfois, réserve bien des surprises. Bonnes ou mauvaises? Ça dépend des jours. Les Français sont étranges parfois. Ils se méfient de tout. Monsieur Puget était la première personne que j'ai appelée. Pourquoi lui? Son dossier était le premier sur la liste, en haut de la pile. Le hasard? Quand je l'ai appelé, on aurait dit un animal apeuré, pris au piège. S'il n'avait rien à se reprocher, pourquoi était-il si distant? Que craignait-il? C'est bizarre. J'ai reçu un coup de fil assez étrange aujourd'hui. Une certaine Ingrid Fischer, inspectrice des impôts à Bonn, en Allemagne. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle enquête sur les dividendes. Et alors? En quoi ça te concerne? C'est à cause des placements. Le Kumkum, là, tu te souviens? Ah, le truc de Capucine Murat? L'ami de la famille, c'est ça? Ouais. Et alors? J'ai l'impression qu'elle nous a mis dans une sale histoire. Si ça continue, le fisc va finir par saisir l'atelier. Ils n'oseront jamais, c'est pas possible. Ils sont capables de tout, sans aucun état d'âme. Il faudrait combien? Un peu moins de 10 000 euros pour s'en sortir. C'est pas avec mes cours de solfège. Je sais bien. Mais quoi? Je vais me débrouiller. Tu vas pas faire de bêtises au moins. Moi? Pourquoi je ferais des bêtises? Je sais pas. Parfois... T'es jaloux du passé, c'est ça? Non. Mais les mauvaises fréquentations... On dirait que tu parles à un enfant. Je suis grand maintenant, tu sais? Je peux faire la différence? Tu me fais pas confiance? Si, bien sûr. Si tu m'aimes, tu dois me faire confiance. Je t'aime, voyons. Tu sais bien. Alors où est le problème? Allez, faut dormir maintenant. Il est tard. Sébastien? Oui? J'arrive pas à fermer l'œil. Ça fait des jours et des jours maintenant. Force-toi. Allez, dors. Tu sais, tous les lundis à 8h, Jean Laborderie, le patron de la banque, il a rendez-vous au château avec François-Xavier de Maupin, le conseiller spécial du président. Et à ton avis, qu'est-ce qu'ils peuvent bien avoir à se dire comme ça, tous les lundis? J'en sais rien. J'ai l'impression que Maupin me surveille, comme s'il se méfiait de quelque chose. Il a peur que j'écoute aux portes. C'est ce que tu fais, non? Pas du tout, je fais mon travail, c'est tout. Et il est très bien renseigné, il sait tout, de toi, de moi. Comment il fait, à ton avis? Il a des grandes oreilles, voilà. Allez, bonne nuit, Martin. Tu crois? Bonne nuit, je te dis. Et si elle me rappelle Ingrid Fischer, qu'est-ce que je lui dis? Dors maintenant. Sébastien, il aurait tout donné pour moi. C'était un écorché. Il revenait de loin. Avant, il avait tout essayé, toutes les substances, et même le suicide. Le hasard de nous deux, notre amour, lui avait sauvé la vie, alors il se croyait obligé de me remercier tous les jours. Par lâcheté, je n'avais jamais eu le courage de le présenter à mes parents, même le jour de mes 40 ans. Avec le temps, ils l'auraient compris, j'en suis sûr. Mais la malchance avait fait qu'ils étaient partis trop vite, trop tôt, juste avant que je ne puisse enfin trouver les mots. Comme si le destin s'acharnait, notre situation empirait chaque jour davantage. Nous avions le projet de reprendre l'atelier de mon père, nous installer là-bas, tous les deux, à l'abri des regards et des turbulences. Mais mon poste était passé à mi-temps à cause des restrictions budgétaires, et les quelques sous qui nous manquaient allaient tout gâcher. Il y a les victimes et il y a les coupables. Cela a pris des mois et des mois. Des mois de silence, de refus, de faux semblants, des mensonges et des rendez-vous ratés. Après un an d'investigation, j'ai eu enfin le contact avec un certain monsieur Jean Laboderie, directeur général exécutif de la banque. Alors, ma chère Ingrid, en quoi puis-je vous être utile ? Vous avez manifesté tant d'insistance pour me rencontrer. Vous permettez que je vous appelle Ingrid, n'est-ce pas ? Je vous remercie de me recevoir, monsieur. Ben, je vous en prie, asseyez-vous. Alors, comme ça, Ingrid, vous avez fait le voyage de Bonn jusqu'à Paris, juste pour me voir. Oui, monsieur. Vous et quelques autres personnalités. Vous pouvez m'appeler Jean, si vous préférez, ce sera plus simple. Vous êtes si jeune, si charmante. À vous voir, on dirait ma fille. Quel âge avez-vous, Ingrid, sans indiscrétion ? Ce n'est pas le sujet, monsieur. Oui, en effet. Pardonnez-moi. Je vous écoute. Voilà. Je viens vous voir à propos de la charte pour une représentation responsable auprès des autorités publiques, que vous avez signée en 2011. C'est bien vous qui avez signé cela, n'est-ce pas ? Oui, et j'en suis très fier. Je vous cite. La banque s'engage à agir de manière intègre et honnête vis-à-vis des institutions auprès desquelles elle est amenée à exercer une action de représentation publique et à fournir des informations fiables et objectives, ne les induisant pas en erreur. Vous confirmez ? Ah oui, bien sûr. Nous sommes très heureux de pouvoir affirmer notre volonté de transparence et de loyauté envers les institutions publiques. C'est notre devoir. C'est naturel, n'est-ce pas ? Tout à fait. Je vois sur le site de votre banque que vous avez aussi signé une charte anticorruption. Effectivement. Je cite. La banque s'engage à être une entreprise exemplaire dans les domaines de l'éthique et de la conformité. Cet engagement est dicté par son sens de l'intérêt public, par son souci de maintenir au plus haut niveau ses ambitions internationales. Oui. La corruption étant illicite, déloyale et contraire à l'éthique, la banque a pris des engagements publics pour la combattre. Vous confirmez ? Oui, oui, oui, bien sûr. Là encore, nous sommes fiers d'être aux avant-postes de la lutte contre la corruption. Mais où voulez-vous en venir, chère Ingrid ? Voilà. Qu'est-ce que c'est ? C'est la photo de mon bureau à Bonn. Et alors ? Rien ne vous choque ? Le désordre, peut-être. On voit que vous avez beaucoup de travail. J'ai reçu en date du mardi 9 janvier dernier, à minuit 10 exactement, pas moins de 12 998 demandes de remboursement de taxes sur les dividendes. Le tout en moins de 8 minutes. Votre banque est le principal organisme de transfert de dividendes depuis Dubaï. Un paradis fiscal que vous connaissez parfaitement bien. Comment expliquez-vous cela, monsieur Laborderie ? Mieux vaut en rester là, chère Ingrid. Ce sera beaucoup mieux, pour vous comme pour moi. Vous croyez ? Je n'ai rien à ajouter. Je ne vous raccompagne pas ? J'ai ramassé mes affaires et j'ai quitté son bureau sans un mot. C'était mon premier rendez-vous avec lui. Il ne savait pas qu'il y en aurait encore bien d'autres. Quelques jours plus tard, Jean Laborderie traversait la cour du château. Il se rendait, comme chaque lundi, à l'invitation de son ami François-Xavier de Maupin, qui, même si le président avait changé en mai 2017, était toujours là, en bon énarque, fidèle serviteur de l'État. L'horloge de son bureau, une pendulette d'officier signée Charles Houdin, 1871, horloger de la marine impériale, était à l'arrêt. J'étais au chevet du mécanisme lorsque Jean Laborderie est entré. Oui. Salut Jean. Salut. Comment ça va ? Un thé ? Du lait ? Ah oui, merci, je veux bien. T'aurais du miel ? C'est pour ma gorge. Martin ? Pourriez-vous nous demander un peu de miel, s'il vous plaît, merci. J'y vais, monsieur. Avec plaisir. Je ne me suis pas formalisé. J'ai laissé mon travail et j'ai demandé un pot de miel à l'intendant. Quand je suis revenu, ils abordaient une question qui me semblait familière. Grâce aux aides de la Commission européenne, la banque a pu retrouver son souffle. C'est heureux, hein, vraiment. Sinon, je ne sais pas ce qu'on serait devenu. La Banque centrale a injecté près de 1000 milliards d'euros d'investissement. Avec ça, si les banques ne retrouvent pas leur souffle, comme tu dis... C'était ça, ou mettre la clé sous la porte. T'imagines ? Épargne-moi les couplets sur l'emploi, tu veux bien ? Les sornettes, j'en vends tous les jours, je connais. À propos, c'est quoi cette histoire de Kumkum ? J'ai vu ça dans la presse. Kumkum ? Connais pas. À cet instant, comme par magie, le mécanisme s'est mis anormalement à sonner. Ding, ding. Je suis désolé, monsieur, c'est juste une question de réglage. Martin, laissez-nous, s'il vous plaît. Oui. Très bien, monsieur. Le pot de miel pour monsieur Laborderie. Merci. Excusez-moi. J'ai dû abandonner sa pendulette impériale au moment où, je crois, les choses commençaient à s'envenimer. Tu te fous de ma gueule ? Je t'assure, ma banque n'a rien à voir là-dedans. Alors qui ? De toute façon, il fallait bien que quelqu'un fasse le job, sinon... Sinon quoi ? Sinon, d'autres l'auraient fait à notre place et... Bah voyons. C'est pas la peine de t'inquiéter comme ça, c'est un feu de paille. Ça va s'éteindre tout seul. Tu crois ça ? J'ai le fisc allemand sur le dos, moi. Et qu'est-ce que je dis au président ? Je te préviens, Laborderie, si je saute, tu sautes avec moi, compris ? Quelques jours plus tard, c'était le jeudi, la même semaine. Il devait être quelque chose comme 8h10. Il pleuvait. Et j'ai aperçu, traversant la cour du château sous un parapluie de fortune, une jeune femme que l'huissier a annoncée à haute voix, Madame Ingrid Fischer. J'ai pu enfin mettre un visage sur ce prénom, Ingrid. Une silhouette frêle, longiligne, elle avançait sans complexe vers le salon doré. Elle devait rencontrer François-Xavier de Maupin. Selon nos calculs, on arrive à 55 milliards d'euros. Vous plaisantez ? 55 milliards d'euros qui ont été soustraits aux administrations fiscales en France, en Allemagne et dans plusieurs autres pays européens. Vous vous trompez, madame, c'est impossible, voyons. Non, monsieur, je ne me trompe pas. J'ai du mal à vous croire, voyez-vous ? Voilà les preuves, monsieur. Le mécanisme est simple. Les principales banques françaises sont les opérateurs des transferts des dividendes. Voici une synthèse des documents. Cela représente près de 2 ans de travail. Je vous remets ceci au nom de l'administration fiscale allemande, monsieur. C'est ma mission. Que comptez-vous faire ? Je vous avoue que... Il va falloir agir vite, monsieur. Comment cela ? Il va falloir rendre l'argent, monsieur. Pardon ? Je vous informe que l'administration fiscale allemande a engagé des poursuites. Je vais en parler au président. Vous pouvez compter sur moi. Très bien, monsieur. Elle me bluffait, Ingrid. Franchement, elle avait un sacré culot. Et dans les salons feutrés du Cinnamon Club, où Jean Laborderie, le patron de la banque, Gregor Baumann, l'avocat allemand champion de l'évasion fiscale, et Tarak Sundara, l'associé de Dubaï, avaient l'habitude de se rencontrer, l'ambiance n'était pas au beau fixe. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Vous avez complètement merdé ou quoi ? Et vous croyez peut-être que c'est moi qui vais payer l'addition ? C'est ça ? Non mais je rêve ! Monsieur Jean, inutile de s'énerver comme ça ? On ne pouvait pas prévoir qu'une junior irait fourrer son grain de sel partout ? Une junior ? Pas si bête que ça pour une junior. En attendant, on est bien dans la merde. Il va falloir rendre l'argent maintenant. Non mais vous comprenez ? Rendre l'argent ! Manquez plus que ça ! Bon, vous avez des solutions ? Vous proposez quoi ? On peut savoir ? Disons que... Que quoi ? Que vous êtes dans la merde, oui, ça c'est vrai, mais pas moi. Pardon ? Désolé, mais moi je n'ai rien à me reprocher. Ben, il a raison. C'est vous le donneur d'ordre des transferts, pas nous. À Dubaï, c'est légal. Moi, je suis blanc comme neige, alors... Pour ma part, c'était juste une mission de conseil pour vous être agréable. Purée, vous êtes une belle bande. Oui, je confirme. Vous ne le saviez pas ? Vous avez raison, on est une belle bande d'enfoirés. C'est comme ça qu'on dit chez vous, non ? Enfoirés. Pauvre Jean Laborderie. Dans quel bourbier il s'était fourré ? Comment allait-il donc faire pour rendre les 55 milliards d'euros ? Où était passé le pactole ? Avait-il tout dépensé en 10 ans ? Et surtout, Ingrid, la junior, ne lâchait rien. Quelques jours plus tard, Ingrid était à nouveau au château. Elle avait un rendez-vous avec François-Xavier de Maupin, en mission officielle cette fois, au nom de l'administration fiscale allemande. Nous n'avons eu aucune nouvelle de vous, monsieur de Maupin. Mon administration s'interroge. Avez-vous pris des mesures auprès des banques françaises afin qu'elles cessent la pratique illégale du Cum-Ex? Nous faisons tout ce qui est du domaine du possible, chère madame. Vous le savez bien, ce sont des entreprises privées qui agissent en toute indépendance. Il nous est difficile d'interférer. Pourtant, depuis 2009, l'État français est le premier actionnaire d'une des principales banques qui pratiquent le Cum-Ex. Avec 17% du capital, vous devriez avoir une certaine influence au sein du conseil d'administration, non? Je comprends votre empressement, madame. Ces pratiques sont en effet très discutables. Mais les choses sont parfois plus complexes qu'il n'y paraît, voyez-vous. Il nous faut du temps. Il s'agit de fraude, monsieur. Mon administration m'a chargé d'agir au nom du préjudice causé aux contribuables allemands. Oui, et puis la Suisse, le Danemark, la Belgique, l'Autriche, la Norvège. Plusieurs autres pays européens sont concernés. C'est exact. Et alors? Nous devons d'abord lancer une concertation au sein de la communauté européenne sur cette question importante, en effet. Et vous le savez bien, l'harmonisation de la fiscalité en Europe, c'est un sujet qui demande beaucoup d'attention et surtout du temps. Le temps est passé, monsieur. Nous faisons au mieux, madame. Je ne manquerai pas d'en informer votre administration. Il maniait la langue de bois à merveille. Faire durer, attendre, noyer le poisson, c'était de bonne guerre. Le facteur temps, encore une fois. C'était l'automne 2018, octobre. La santé de Sébastien ne s'était pas arrangée, pas plus que nos finances du reste. Quand il était inquiet, c'était plus fort que lui. Sébastien se droguait. Il avait revu son ex, il lui avait demandé un peu d'argent pour nous sortir du trou. Et cela lui avait valu un voyage en enfer. Nous n'avons jamais pu rembourser la banque. Ça le terrifiait. Allô? Capucine Murat? Oui, monsieur Puget. En quoi puis-je vous aider? C'est à propos de mon prêt. Monsieur Puget, je vous ai déjà dit que je ne suis plus en charge de votre dossier depuis longtemps. C'est passé au contentieux maintenant. Mais serait-il possible de patienter encore un peu? Nous avons fait tout notre possible, monsieur Puget. Je suis désolée. 13 rue de la République. Tout ce qui était à mon père était aligné là, sur des étagères. Étiqueté, comme on identifie les cadavres. Les photos, les outils. Le tour a pivoté pour polir les axes des balanciers et aigriser l'acier. Les burins et les limes fines pour sertir les rubis. Filières, tarots, compas et engrenages. Chaque pièce avait son histoire. La moindre chose portait la trace de sa main, l'amour de son art. Et il suffisait de lever le doigt pour tout acquérir à bas prix. Tout est parti, en moins d'une heure. Il ne nous avait pas manqué grand-chose, quelques milliers d'euros tout au plus. Mais le temps nous avait fait faux bond, le facteur temps. La banque avait repris son dû, c'était mon seul bien. Notre projet d'avenir s'arrêtait là, fin de l'histoire. Capucine Murat se tenait à quelques mètres de nous, aux côtés d'un commissaire-priseur en costume trois pièces qui annonçait les prix à des acheteurs de passage. Je suis désolée, Martin. Vraiment désolée. Je n'ai pas su quoi lui répondre. Sébastien avait froid. Il lui a juste dit... Pourquoi vous mentez, madame? À son tour, elle n'a pas su quoi répondre. Puis il s'est tourné vers moi. Tu vois, tu as eu tort. J'en suis sûr maintenant. Ils n'auraient pas eu peur de m'aimer tel qu'ils étaient et tel que je suis. Nous sommes repartis par le train, sans dire au revoir à personne. Alors, Martin, vous avez réglé vos problèmes? Oui, monsieur. Il est vrai que le fisc ne plaisante pas de nos jours. Oui, monsieur. C'est beaucoup mieux comme cela, vous savez. Vous avez bien fait. Oui, monsieur. Et comment va votre compagnon? Pardon? Oui, votre compagnon. Comment va-t-il ? Pourquoi me demandez-vous de ses nouvelles, monsieur ? Je ne sais pas. Ça me paraît normal. Je m'intéresse à vous, que voulez-vous ? Ça vous dérange ? Non, monsieur. Alors ? Sébastien ne va pas très bien, monsieur. Ah bon ? Rien de grave, j'espère ? Il est fatigué. Oh. Vous m'envoyez désolé, vraiment. Les soucis, ça n'arrange rien, monsieur. Avec les soucis, il arrive que... qu'on somatise, voilà, c'est le mot. On somatise, n'est-ce pas ? Oui, monsieur, on somatise. Ne soyez pas inquiet, Martin. Avec la médecine de nos jours, on fait des miracles. Vous croyez ? Il faut faire confiance à l'avenir. Mon cher Martin, le temps joue en notre faveur. Le temps ? Vous avez raison, monsieur. Le temps. Quelques mois plus tard, Sébastien me quittait, usé, épuisé, avant l'heure. Il avait tout tenté pour me venir en aide, payer notre dette, en vain. Ce n'était pas grand-chose, mais cela avait suffi à nous pourrir la vie pendant des années. L'argent pour lui n'avait aucune importance, mais il aurait tout donné pour moi. Pour quelques milliers d'euros, il avait renoué avec ses vieux démons, son ex, la drogue et tout ce qui s'ensuit. La vie parfois nous rattrape par là où l'on voudrait la fuir. L'absence, la solitude. Je n'avais plus qu'un seul désir, partir, loin, à l'abri des mensonges, des regards obliques et des trahisons. Ce matin-là, il gelait sur les tombes de mortaux. Les croix disparaissaient sous la neige, au point qu'on ne pouvait même plus lire les noms des morts. Un prêtre de passage a bâclé son homélie, mais cela n'avait plus aucune importance. Sébastien était là. Il reposait avec eux, tout près d'eux, mes parents, en famille. Le jour suivant, j'ai repris mon travail, à mi-temps, comme il l'avait décidé. C'était pour réduire les dépenses de service, disait-il. Et comme tous les lundis, au château, Jean Laborderie avait rendez-vous avec son ami François-Xavier de Maupin. Oui. Salut. Salut. Jean, j'ai deux bonnes nouvelles. Je commence par laquelle ? Les deux. J'ai parlé au président pour les 55 milliards d'euros. Ah. Oui, et alors ? C'était la bonne nouvelle. Et l'autre ? On va lancer une commission d'enquête parlementaire. Quand ? Incessamment, sous peu. Mais t'as une idée du calendrier ? Non ! C'était ça la deuxième bonne nouvelle ? Oui. Du coup, rien de presse ? Non ! On a tout notre temps. Oh, génial ! Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu fais pour Pâques ? Je ne sais pas encore. Qu'est-ce que tu dirais d'une petite balade en famille, aux Antilles ? J'ai des amis qui ont un voilier, un ketch, 72 pieds, je te dis pas, une merveille. Pourquoi pas ? Il s'appelle comment, leur voilier ? Cum-ex. Ah, Cum-ex. C'est bizarre comme nom. C'est un nom comme un autre. Cum-ex. Cum-cum. Les Antilles. Je les voyais tous ensemble, avec leurs femmes et leurs enfants, lever leur verre à leur santé et à celle de la République. Je ne les enviais pas, non. Je les voyais, c'est tout. Ils vivaient leurs rêves au présent. Le facteur temps leur était favorable. Je n'ai jamais plus entendu parler d'Ingrid Fischer. Je sais qu'elle est repartie à Bonn, en Allemagne, qu'elle a repris son travail de fonctionnaire de l'administration. J'ai fait mon travail. C'est tout. Virtuel, les 55 milliards d'euros. Volés ou envolés ? L'or s'évapore, parfois dans les limbes, comme par enchantement. Pourtant, pour ce qui compte, au tic-tac de l'horloge, le moindre sou manquant pèse de tout son poids, chaque matin, au réveil, dans une vie gâchée par les soucis et l'angoisse du lendemain. L'impôt, c'est le ciment de la République, disait mon père. Qui aurait pu lui donner tort ? Deux poids, deux mesures, dans la valeur du temps et de l'argent. Les uns y perdent tout, tandis que d'autres font la course au large, au paradis des dividendes, ad vitam aeternam. Le facteur temps, de François Luciani. Deuxième partie, jeu de massacre, 2018-2019. Avec Renaud Bertin, Claire Dumas, Florian Goetz, Irma Barry-Schmidt, Ivo Martin, Bruno Pavio, Olivier Coyette, Johannes Hamm et la voix d'Anna Rostin. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage, Claude Nior, Pierre Henry et Jérémy Kaufmann. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Savez-vous planquer vos sous à la mode, à la mode? Savez-vous planquer vos sous à la mode, à la mode? Savez-vous planquer vos sous à la mode de chez nous? Lessiveuses bas de laine, allez-y, c'est tricolore. Pour chiffrer l'impôt dehors, allez-y, c'est inodore. Passeport, export, allez-y, c'est sans remords. Savez-vous planquer vos sous à la mode, à la mode? Savez-vous planquer vos sous à la mode, à la mode? Savez-vous planquer vos sous à la mode de chez nous? Le liquide dans les caves suisses, allez-y, c'est tricolore. Qu'on se ramasse, allez-y, c'est sans remords. Savez-vous planquer vos sous à la mode, à la mode? Savez-vous planquer vos sous à la mode, à la mode? Savez-vous planquer vos sous à la mode de chez nous? Perruque, boumoute, barbouze, allez-y, c'est tricolore. Piston, allez-y, c'est un dollar. Mais le plus sûr, c'est chez moi. Venez-y, venez-y sans remords. Savez-vous planquer vos sous à la mode, à la mode? Savez-vous planquer vos sous à la mode, à la mode? Savez-vous planquer vos sous à la mode de chez nous? Savez-vous planquer vos sous? Affaire sensible, la fiction. Le journal Le Monde révèle qu'une opération de police en octobre 2014, coordonnée par la justice allemande, a abouti à la perquisition de plusieurs banques européennes et de ses documents judiciaires consultés par les journalistes. Il ressort que trois établissements français auraient participé à ces mécanismes, la BNP Paribas, la Société Générale et le Crédit Agricole. La fraude présumée, le Cumex, repose sur un mécanisme interdit en France depuis 2005, mais les banques françaises y auraient participé à l'étranger, explique Maxime Vaudano, journaliste au Monde. C'est vraiment via leurs diverses filiales en Allemagne, en Irlande, qui ont fait des transactions en Allemagne, mais ça, le niveau de responsabilité remonte au siège à Paris. En Allemagne, les banques recevaient les fonds, elles détenaient les actions, elles réclamaient les impôts, mais c'était pas elles qui étaient instigatrices de la fraude. Elles estiment qu'elles n'étaient pas au courant que ces remboursements étaient frauduleux, mais ce qu'on voit, c'est qu'elles ont demandé des analyses légales a priori. Donc on peut penser qu'il y a plusieurs acteurs de la banque qui étaient au courant que en fait, ces transactions-là n'avaient qu'une seule finalité, c'était de prendre de l'argent dans les caisses de l'État allemand. La Société Générale a assuré que sa direction n'avait connaissance d'aucun schéma frauduleux au sein de son établissement. La BNP Paribas n'a pas répondu à nos confrères et les investigations judiciaires sur ce volet fraude sont toujours en cours. France Inter, affaire sensible, Fabrice Drouel. Affaire sensible, la fiction, aujourd'hui le facteur temps, deuxième épisode. Notre invitée, Monique Pinson-Charlot, sociologue, auteur avec Michel Pinson du livre « Le président des ultra-riches » aux éditions La Découverte. « Bonjour Monique Pinson-Charlot. Bonjour. Vous êtes sociologue, ancienne directrice de recherche au CNRS et auteur avec Michel Pinson de nombreux livres d'investigation comme « La violence des riches, chronique d'une immense classe sociale » ou encore « Sociologie de la bourgeoisie » et votre dernier livre, paru là cette année, aux éditions de La Découverte, s'intitule « Le président des ultra-riches ». On a entendu tout à l'heure, il y avait quelques minutes, une archive sur les révélations du journal Le Monde qui montrait à quel point certaines banques étaient impliquées dans l'évasion fiscale pour ce qui concerne la France, la BNP, Société Générale et Crédit Agricole. Par ailleurs, le cabinet Oxfam estime, lui, le coût total de l'évasion fiscale à entre 60 et 80 milliards d'euros par an. Je vous dis ça parce que c'est évidemment insupportable pour beaucoup de Français qui, eux, paient leurs impôts et qui gagnent peu. Et peut-être que la vraie perversité des auteurs de l'évasion fiscale est là, dans le non-consentement à l'impôt comme lien social, car on le rappelle, c'est grâce à l'impôt, entre autres, que l'État peut redistribuer les aides sociales qui doivent profiter à tous. Donc, tricher avec l'impôt, est-il, selon vous, antidémocratique et anti-républicain ? Bien sûr, mais je dirais que le non-consentement à l'impôt de la part des plus riches, puisque Michel et moi, nous travaillons sur l'oligarchie, c'est-à-dire cette caste, cette classe sociale qui s'est accaparée, disons, toutes les richesses et tous les pouvoirs, que ce soit les banquiers avec les différentes banques que vous avez nommées, que ce soit au niveau de la politique où aujourd'hui c'est un ex-banquier qui est président de la République, que ce soit dans les médias dont je crois 10 milliardaires possèdent 90% des médias, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans tous les secteurs de l'activité économique et sociale. Vous avez des gens de cette classe sociale dominante qui possèdent l'ensemble des titres de propriété. Et du coup, à propos de l'évasion fiscale, on n'est pas dans des paradis fiscaux, c'est-à-dire il n'y a pas, pour nous, on ne fonctionne pas dans la territorialisation de l'évasion fiscale, oui, parce que c'est une façon de masquer le vrai problème de l'évasion fiscale. Le vrai problème de l'évasion fiscale, c'est véritablement une oligarchie qui est aujourd'hui installée au cœur de l'État pour mener une véritable lutte de classe, on pourrait dire. Mais nous, on préfère marcher sur les brisées de Warren Buffett, qui a dit en 2005 que c'était pas plus la lutte de classe, mais une guerre de classe que les riches menaient, qu'ils étaient en train de gagner. Et donc, dès qu'on change d'optique, on accepte ces lunettes, on voit la fraude fiscale et l'évasion fiscale d'une toute autre manière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les banques d'un côté et l'État de l'autre. Il n'y a pas de réification de collectif. Non, ce sont des gens de chair et de sang que nous personnifions régulièrement de livre en livre, qui sont en collusion, en connivence, c'est-à-dire que, par exemple, dans la fiction, le directeur général de la BNP Paribas a son rond de serviette à l'Élysée où il se rend tous les lundis soirs, c'est-à-dire que ce sont véritablement des camarades de classe, des amis de classe, qui, dans tous les secteurs de l'activité économique et sociale, sont chargés de piller le peuple. Pourtant, parmi cette oligarchie, il y a ceux qui nous gouvernent. On imagine aisément que ceux qui nous gouvernent n'ont pas envie de creuser les déficits publics. Ça se retournerait contre eux, de toute façon. Ils ont envie, eux, que l'État ait les moyens. Non, alors là, vous... Enfin, je pose la question. Oui, je n'affirme rien. Je vous pose la question. Vous me posez la question et je vais vous donner ma réponse. Oui. Parce que, non, nous avons, par exemple, montré que le paquebot de Bercy vogue sous pavillon de complaisance et que c'est à Bercy même, vous m'entendez bien, à travers des tas de systèmes institutionnels comme des cellules de régularisation, le fait qu'il n'y a que le ministre du budget qui puisse engager des poursuites au pénal, toutes sortes de choses que nous avons décortiquées, nous et beaucoup d'autres, c'est un sujet qui est très documenté, eh bien c'est à Bercy que s'organise la protection des fraudeurs fiscaux. Et il y a des indicateurs extrêmement précis. Le décompte au sujet des enquêteurs de la section financière du parquet de Paris, qui sont passés de 12, alors c'était pas beaucoup, hein, 12 en 2012, et aujourd'hui ils sont plus que 3. De telle sorte qu'ils ne peuvent pas gérer plus de 50 dossiers par an, de telle sorte que le temps, et toujours le temps, joue en faveur des plus grands fraudeurs et des plus riches. Est-ce que ça veut dire, je ne vais pas voir tout en noir, mais est-ce que ça veut dire que pour cacher le fait qu'on ne fait pas la chasse aux plus riches, on va faire la chasse aux petits fraudeurs? Pour dire, voyez, on fait quelque chose. Ah ben voilà, ah ben c'est ça. Dans cette guerre de classe, ben il y a évidemment il y a les riches et puis il y a les pauvres. Mmh. Et les pauvres, c'est-à-dire ceux qui touchent le RSA, ceux qui sont au chômage, sont méprisés, sont taxés de fraudeurs, de fainéants, alors que les plus grands fraudeurs, c'est-à-dire les délinquants en col blanc sur lesquels nous mettons nos projecteurs avec un bonheur chaque jour renouvelé, car chaque jour on nous sert la soupe de manière abondante, eh bien ceux-là sont qualifiés de premiers de cordée, sont qualifiés de créateurs de richesses, sont qualifiés de créateurs d'emplois, et du coup, on peut leur faire des cadeaux dès qu'on arrive à l'Élysée, comme c'est le cas d'Emmanuel Macron, ce que nous décrivons dans notre dernier livre, et leur faire des cadeaux fiscaux en dizaines de milliards d'euros, tenez-vous bien, sans aucun contrôle. J'entends et j'en reste un peu interdit. Cette façon de voir l'optimisation fiscale, la fraude fiscale par l'oligarchie, est-ce qu'on vous a dit plusieurs fois, mais c'est une option, une grille de lecture idéologique, c'est pas ça. J'imagine que vous avez eu certaines oppositions de ce type-là. Oui, là précisément pour ce dernier livre, on a eu droit effectivement au fait que nous ne sommes plus des sociologues, que nous sommes des idéologues et des militants, et que même s'il y avait une possibilité de nous poursuivre au pénal pour imposture et détournement de la sociologie, un certain Julien Damon l'aurait fait volontiers. Et donc ça va quand même assez loin. Alors que si vous voulez, qu'est-ce qu'il y a de plus beau comme travail sociologique que celui que nous faisons, Michel et moi, comme deux moines bénédictins depuis 30 ans, c'est-à-dire tisser tous les fils de cette toile d'araignée oligarchique qui est au-dessus de nos têtes, et montrer que les banquiers, les politiciens, les journalistes, alors je parle pas de vous, hein, j'espère bien. ceux qui, justement, n'acceptent pas la pensée critique, tous ceux qui contrôlent les terres agricoles, tous ceux qui ont des responsabilités aujourd'hui dans le dérèglement climatique, dans l'univers de l'automobile et tout ça, tous ces gens-là se retrouvent tous les jours dans des restaurants, se retrouvent par la médiation de la sociabilité mondaine, dans des cercles divers et variés, pour que les rouages et les roueries de cette oligarchie soient bien huilés et qu'il n'y ait pas de lanceurs d'alerte ou de sociologues de combat qui viennent mettre leur nez dans des affaires qui ne les regardent pas et qui sont le plus souvent protégés par des secrets bancaires, par des secrets défense, par des secrets aujourd'hui des affaires, un espèce de fourre-tout pour museler, bâillonner la parole critique. Monique Pinson-Charlot, on va se retrouver dans 3 minutes pour continuer ce voyage dans cette noirceur, il n'y a pas d'autre mot, hein, de l'évasion fiscale et de ses conséquences et de cette oligarchie que vous traquez finalement depuis 30 ans, hein, ben oui, avec votre travail de sociologue. À tout de suite. Prenez un enfant et faites-en un roi, couvrez-le d'or et de diamants. Cachez-vous en attendant, vous n'attendrez pas longtemps. Les vautours tournent autour de l'enfant. Le blé a les dents à serrer et les hyènes vont le dévorer. Le monde deviendra banquier ou le monde sera lessivé. Lessivé, je dis. Argent trop cher, trop grand, la vie n'a pas de prix, je dis. Argent trop cher, trop grand, la vie n'a pas de prix. et je te vends. Vautré dans le coma du commun des mortels. Mon pote est comme un rat, t'es commun, c'est mortel. Les vautours tournent autour, toujours. Criez non à l'esclavage, payez l'heure de nouvelles cages. Faites installer des péages, là où commence la rage, la rage. Argent trop cher, trop grand, la vie n'a pas de prix, je dis. Argent trop cher, trop grand, la vie n'a pas de prix. De nous maintenant. Tu en as, tu n'en as pas. Tu n'as pas vraiment le choix. Un mur de briques devant toi. Il est temps, dépense-toi. Dépense-toi, dépense-toi. Je dis argent trop cher, trop grand, la vie n'a pas de prix. Je dis argent trop cher, trop grand, la vie n'a pas de prix. Je dis argent trop cher, trop grand, la vie n'a pas de prix. Monique Pinson, Charlot, après le tableau que vous venez de peindre, dépeindre, de la situation de la fraude fiscale en France, en Europe, moi la question que j'ai envie de vous poser, parce que je suis un peu abasourdi, un peu pessimiste, là, il y a de quoi l'être, comment on en sort alors? Si de tels rouages sont mis en place par ceux qui détiennent le pouvoir, comment on fait? Ah ben alors, l'Europe est pour ça absolument exemplaire. Parce que il y a qu'un seul domaine pour lequel on exige en Europe l'unanimité, c'est précisément sur le domaine de la fiscalité. Histoire d'y échapper? Ben, c'est-à-dire parce que c'est difficile que... l'unanimité. Ben oui, c'est difficile, mais si vous voulez, il suffit qu'il y ait le Luxembourg, l'Irlande, tous ces paradis fiscaux dont vous avez parlé déjà, pour bloquer toute avancée vers une justice fiscale plus harmonisée et en tout cas plus juste. Et alors le cynisme va quand même très très loin, je trouve, parce que qu'en 2014, après tout ce qui s'est passé, que l'oligarchie européenne ne trouve rien de mieux que de coopter Jean-Claude Juncker à la présidence de la Commission européenne, il fallait quand même juste oser le faire. Parce que je rappellerai simplement que lorsque Jean-Claude Juncker était à la fois Premier ministre du Luxembourg, ministre des Finances du Luxembourg et président de l'Eurogroupe, c'est-à-dire celui qui préside les réunions des ministres des Finances de l'Europe, pendant cette période où il cumulait ces trois fonctions, c'est la période pendant laquelle ont été signés les 548 rescrits fiscaux si favorables aux multinationales, dont nous avons eu connaissance, que grâce au lanceur d'alerte Antoine Deltour, qui dans un courage absolument extraordinaire a dévoilé une fraude fiscale de très grande ampleur. Est-ce que ça veut dire, et la question est grave, et surtout en fonction de votre réponse, qu'il n'y a pas de volonté politique de lutter contre l'évasion fiscale? Ben pour moi, il n'y en a aucune, bien au contraire. Et c'est cela qui fait la force, je trouve, de la sociologie aujourd'hui. Parce que là, nous parlons avec vous de fraude fiscale, mais il faudrait mettre tout cela en relation avec toutes les autres façons de piller l'État. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple. Ouais. Le fait que... Vous avez l'embarras du choix, c'est ça? Mais il y a que l'embarras du choix, je donnerai un seul exemple. Emmanuel Macron a été élu président de la République avec beaucoup de donateurs extrêmement généreux qui l'ont placé au sommet du pouvoir. Et ces dons sont en plus défiscalisés à 66%. C'est-à-dire que les riches peuvent aujourd'hui, en toute impunité, en toute légalité, choisir un ex-banquier de chez Rothschild pour diriger le pays, au nom de la démocratie et des élections libres. Il y a aussi le problème des autres, si j'ose dire. Ceux qui investissent, qui sont puissants, je pense aux GAFA, ces grandes sociétés américaines, qui viennent faire leur beurre chez nous, cela dit, ça c'est l'économie, hein. Mais dont le régime fiscal est quand même assez scandaleux de ce que j'en sais. On pourrait aussi actionner ce levier-là. Oui, mais le fait-on, moi ce que je remarque, c'est que dès son arrivée à l'Élysée, Emmanuel Macron a reçu à Versailles, juste avant le forum de Davos, donc c'était en janvier 2018, a reçu à Versailles 140 grands patrons, dont les représentants d'Amazon, de Google, de ces GAFA dont vous venez de parler. Le thème, c'était « Choose France ». Voilà, maintenant, j'ai transformé la France en un véritable paradis fiscal pour les plus riches, c'est-à-dire que j'ai supprimé l'ISF, j'ai supprimé la progressivité de l'impôt sur les revenus du capital, qui sont aujourd'hui imposés à 12,8%. Alors qu'on nous a raconté que c'était 30%, mais nous, on dit que c'est 12,8%. Donc, un taux qui est inférieur à la première tranche véritable d'imposition sur les salaires, qui est à 14%. Donc, ça veut dire que le travail est toujours mieux rémunéré, capital est mieux rémunéré que le travail, en tout cas moins imposé. C'est ça que ça veut dire au passage. Aujourd'hui. Et ça, c'est une nouveauté de M. Macron, qui est en faveur du capital, comme jamais ça ne s'est produit. Est-ce que vous considérez que les chefs de gouvernement des pays européens ou les présidents sont des suppôts de cette politique-là? C'est ce que vous semblez dire, en tout cas concernant Emmanuel Macron. Bah écoutez, notre sociologie, je pense, est honnête, elle est sérieuse. On n'est pas tout seul. Il y a beaucoup de chercheurs en Belgique, en Suisse, en Angleterre, de partout, qui mènent des travaux semblables aux nôtres et qui, chaque fois, montrent une collusion, un entre-soi de classe qui est transversale à tous les secteurs de l'activité économique et sociale. Et ce que représente aujourd'hui Emmanuel Macron, après avoir éliminé tout ce qui pouvait s'appeler conflit d'intérêts qui était donné en pâture aux classes moyennes et aux classes populaires, c'est-à-dire les intérêts privés contre l'intérêt général, le secteur privé contre le secteur public. Eh bien aujourd'hui, avec ce président de la République, nous sommes dans la synthèse des intérêts de l'oligarchie, plus de droite, plus de gauche, on pantoufle, on va, on vient du public au privé. Et voilà, et donc du coup, le peuple français, les peuples européens sont pillés vraiment par tous les bouts du gâteau pour détruire les réseaux de solidarité, bien sûr la pensée critique, les réseaux de solidarité, les services publics, tout ce qui a été construit dans cet élan extraordinaire à la libération avec le Conseil national de la résistance, ou si vous voulez un Ambroise Croizat, ministre du Travail et de la santé, je me rappelle plus exactement quel était son statut, est arrivé en un an à mobiliser l'ensemble de toutes les mutuelles ouvrières pour créer la sécurité sociale. Mmh. Et on voit bien que dès qu'il y a un représentant du peuple au plus haut niveau, on a une politique qui est à l'opposé exact de celle d'Emmanuel Macron au service des plus riches. Je vous remercie, Monique Pinson-Charlot. Je rappelle le titre de votre dernier livre. Oui, il fait écho à tout ce que vous venez de dire. Hein. Le président des ultra-riches. Merci, au revoir. Merci à vous. C'était Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, le facteur temps, deuxième épisode. Une fiction écrite par François Luciani, réalisée par Sophie Haute-Picon. Émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priolet et réalisée par Anne Yoro. Programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Nicolas Delmas et Jean-Philippe Jeanne.